sommes que poussière pour un coup de poussière. Et demain nous déblais, de jour en jour ici nous sommes bombardés. Tu t'échappes pas, tu chapes les et des plaies, appelez des on déblaye les faux acteurs, R2Z anti-sapeur. On fracture redoutable comme l'attendu facteur. Mon rap impact, mange mes vapeurs intactes. Pour que les forces des cubes, des suites anti-corps, mes potes, ils tuent pas d'antidote. L'étude de mon rap, c'est le repérage. Mis dans le poche, pas aux antipodes. Intenté à l'attentat, j'ai tantôt l'état tentard. J'ai tentard, je mets les tentacules dans ce que c'est scandale. Faut dresser l'étendard, mon autant je l'ai été. Y'a pas le temps, ils verront, y'a pas de raison. Pas de saison rap, mais on frappe comme ces orages. Horizon masqué par notre passé sombre. Les faux repas de panique, ta dièse par Paris, faire que la prise la Bastille. J'avance à grands pas comme ce caca. J'aime pas notre bas de famille. Et si tu pisses au lit, pose le micro vite, juste pris comme chez Rizzoli. Jusqu'à la racine des puits sans lit, nos pieds sans lit, expression libre. Reste stoïque quand je les vois mentir. La mer saucée, Sarko, Ségolène, Mandela. Accro au rap au bordel, je suis bienfaiteur comme Mandela. Mais au-delà, des rimes c'est pas terrible, faut que j'atterrisse. J'pollue l'esprit des mecs, c'est pas le périple. Prends pas des risques, on se propage comme des bactéries. La vie elle est sacrée, elle est des pyroblés. Nous sommes que poussière pour un coup de poussière. Et demain nous déblais, de jour en jour. Et si nous sommes bombardés, tu t'échappes pas, tu chapes les et des plaies, appelez des plaies. Je me plains pas, mais j'ai trop chié en silence par la route du nez. J'suis en silence, trop et les gens silence. À l'éloigne, les comptes de ma vie. Les comptes de ma vie, de détruire les comptes et quoi. J'dis, mais j'vais pas raconter ma vie. J'pose pour ceux qui pensent bien, pas le contrôle. Pour ceux qui contrôlent et se contrôlent. Ma vie pour les controverses qui contrôlent. Geste et fait, l'acte indigeste et fait. Aujourd'hui, geste et fait. Tu peux le justifier, le quantifier, l'authentifier, l'authentifier. Hey, boulet et guy, c'est idem. Dans un paradème, faut tandem. Faut tandem, mais dis je t'aime. En fond d'antenne, y'a plus de respect. On respecte, terre et respect. T'intéresses personne, si t'as pas les intérêts. Spectaculaire et respect. Un mot plus utopique, plutôt piqué. Cap aux sentiments, certains yeux au piqué. Le cul au piqué, au style au pic. Au pic stabilo, au style oblige. À contrer l'oubli, j'ai mes rétacs. Pour mettre mon tag avant des bandades. La vie elle est sacrée, elle est des pyroblés. Nous sommes que poussière pour un coup de poussière. Et demain nous déblais, de jour en jour ici nous sommes bombardés. Tu t'échappes pas, tu chapes les et des plaies, appelez des plaies. Ça crie à l'aide, l'atmosphère est glacée. Assez de se casser, se fracasser. Ma tagaza, les jeunes gazés. C'est pire au blé, trop bagassé. Pas les mêmes bombes qu'à casser, des bras cassés. Crâne éclaté, grave crâne rasé. Grade crame et grave crash dans la cave de la France et de ses sales armées. À chaque fois, les mêmes images sur LC, je te jure. À chaque fois, je les vois se battre pour des centimes. On ne veut rien faire, tu l'as senti, c'est grave. Mais t'inquiète pas, moi j'attaque pas les quêtes qui passent, frère. Des côtés t'es clair, j'ai fait mon quota. Mais côté des voix, de côté des crash, me dis qu'elles veulent faire. La vie est dure dans ce monde, t'as pas ta place, t'es pas un conquérant. Jusqu'au errant, rien de cohérent dans le fiche tabou, c'est pas marrant. Vends les parents, trop de comptes à rendre. Trop de traumatismes qui font conflit, voilà que ma vie se complique. Tu croyais quoi, ma ville, c'est trop de conflits, trop de conflits, je te le confirme, faut qu'on file. T'es ma ici, tous les keufs tremblent, ils ont tous Parkinson. Nos partitions, elles s'embellissent, ça sent le délit comme l'antivote d'une gaufre qui dans un Parkinson. On partisseur, on squatte la rue pour se mettre enfin à l'aise. La poussière emménage, des scènes de ménage, ta veine déménage, même quand t'as les 20 balais. La vie elle est sacrée, elle est des pyroblés. Nous sommes que poussière pour un coup de poussière. Et demain nous déblais, de jour en jour ici nous sommes bombardés. Tu t'échappes pas, tu chapes les dés et des plaies, appelez des plaies. La vie elle est sacrée, elle est des pyroblés. Nous sommes que poussière pour un coup de poussière. Et demain nous déblais, de jour en jour ici nous sommes bombardés.